Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouvi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Ezwa dans le rôle de Carl Terob, Florence dans le rôle de Chararine, Alexandre dans le rôle du scientifique du secret et Claude Couveau-Farchi dans le rôle d'Hélène Marche. Chapitre 12. Au dernier moment. La sécurité ? Je me demande bien comment elle a été informée de la présence du secret. En tout cas, on peut dire que son arrivée sème la panique parmi les chercheurs. Seule Hélène Marche ne semble pas affectée. Elle est toujours là, pianotée sur le panneau de contrôle près de la cage où sont enfermés Novi et Oulia. Car, regarde la cage ! Mais elle s'enfonce ! Non, Novi ! Hélène Marche s'enfuit ! Ice, que faire ? Suivre Hélène Marche ou la cage ? Xena, où vas-tu ? Attends ! Regarde, elle se dirige droit sur la cage. Suivons-la. Vite, vite, Carl ! Pas facile avec cette foutue cheville. La cage est presque entièrement disparue dans le sol. Je le vois bien. Encore un effort, nous y sommes presque. Un panneau vient de coulisser juste au-dessus de nous. Oui, faisant ainsi disparaître toute trace des bébés Hainich. Si nous n'avions pas suivi Xena... Où sommes-nous ? Dans une sorte de puits, apparemment. Il fait noir ? Pas tant que ça. Il y a de petits hublots lumineux percés à même le puits qui nous éclaire à intervalles réguliers. On ne descend plus. On progresse à l'horizontale. Heureuse que le caisson est ralenti, je n'aurais pu tenir bien longtemps à une telle vitesse. Moi non plus. Mais on a dû faire du chemin. Quoi, faut tout déboucher ? Dans une grande caverne. On dirait une sorte de hangar. Oui, verdâtre. Oh, regarde là-bas. Un aviseau. Non. Que viendrait faire ce type de petit vaisseau spatial au beau milieu d'une caverne ? Rien de bon. Regarde ce qu'il y a juste au-dessus. On dirait... de l'eau ? Oui, de l'eau. À mon avis, nous sommes au cœur du mont du lac. Et ce que nous apercevons, c'est le cratère rempli d'eau. Un cratère artificiel. Ice, voilà ce que je redoutais. Que le lac se rétracte. Oh, je vois une partie du ciel. En effet, tout le mont du lac n'est en fait qu'une rame de lancement pour l'aviseau. Et celui-ci se prépare à décoller. Non. Tu ne veux pas dire que... Quelqu'un s'apprête à quitter Alpa. Pas avec mon bébé tout de même. Tu veux parler ? Regarde, le caisson avec sa cage et nous va s'arrêter juste sous l'aviseau. Nous montons. Droit. Dans la soute de l'aviseau. Ah, vibre. L'aviso est sur le point de décoller. Il faut l'en empêcher. Vite, au poste de pilotage. Xena, tu peux nous y emmener? Vite, sur son dos. Là, le poste de pilotage. Hélène marche devant les contrôles. Elle est si absorbée qu'elle ne nous a pas entendu venir. À nous d'en profiter. D'abord, descendre de Xena. Aïe! Vous! Que faites-vous ici? Vous ne m'aurez pas! Xena, attaque! Elle s'est assommée. Et maintenant, coupez les moteurs. Vite, Carl, coupe les moteurs. On ne doit pas décoller. C'est loin d'être simple. Pour couper l'alimentation des propulseurs, je dois d'abord interrompre la programmation de la séquence de lancement. Et alors? Et alors? Ce n'est pas moi qui l'ai programmée, cette foutue séquence de lancement. Carl! Chut! Ah, je crois que j'y suis. Oui. Ouf!